G-Town. Can we move to G-Town? Thank you. just one day. C'est fatigué, hein. salut. Thank you. Destination. probably talk to my wife. Sharon. Sharon. Sharon. Sharon est dans son appartement en train de chercher un truc. Elle est sur son Facebook. Elle est en train de s'énerver sur son Facebook. Bon, Sharon, tu déconnectes Facebook, c'est pas grave. Facebook, à la rigueur, tu prends Twitter, ça sera pareil. Ou alors tu prends Snapchat. Snapchat. Tu connais Snapchat ? Voilà, tu connais pas Snapchat. Elle connaît pas Snapchat. Oh putain, j'avais envie de chanter avec Studio, il s'est barré, putain. Is sleepy. Portugal. Comment ça va le Portugal? J'étais marié avec une Portugaise. Ça a pas été une réussite. Portugal. Porto. La paella. La paella. La paella, c'est portugais. Brigitte. Ah, c'est espagnol. Mais qu'est-ce que c'est la spécialité des Portugais? Le bacalao. Ah, c'est bacalao. Est-ce que tu manges le bacalao, Flip? Est-ce que tu manges le bacalao? Non, putain, mais ils... Ah, mais il parle français. C'est, en fait, c'est un portugais, mais il est français, en fait. Mais t'es pas portugais, t'es français, pourquoi t'es au Portugal? T'es en vacances? Marc, au Portugal, il y a des vagues. Obrigado. Obri ou obligado? C'est obrigado ou obligado? Sharon, ce que j'aime, c'est que tu parles toutes les langues. Putain, t'es multilingue. Multilanguage. Au Porto, Wayne. Bon, ça vaut... On aime bien votre Porto, les Portugais, mais nous, on a du vin, putain. En France, on a du... Amène le Porto, ouais. Mais ils ont du... Moi, j'ai des clients portugais qui m'offraient, à l'époque où je travaillais avec eux, du Porto, du très, très bon Porto. C'est vrai, c'est vrai. Avec des olives, avec des bonnes olives, tu vois, des olives préparées, là. Putain, c'est bon, ça. Oui, des clients dans le... L'immobilier. Des Portugais qui vivent en France mais qui ont des maisons au Portugal. Parce que tu sais que tous les Portugais, ils ont tous une maison au Portugal et ils sont riches au Portugal. Ils ont la maison avec la piscine et tout, quoi. C'est... Je bosse dans quoi? Putain, mais tu suis pas, toi, depuis le temps que t'es avec moi. Tu me connais un peu. Je bosse dans l'immobilier. Un peu comme toi quand tu loues des appartements. À la montagne. Bon, c'est bien ton appart, je l'aime bien. Mais je n'ai pas les moyens. C'est des stations un peu chères, non, là-bas, c'est ça? Tu vends des apparts? Non, je vends pas des apparts, non. Smig. Ah, je comprends plus rien. C'est pourquoi le Smig? Next time. Il parle français, portugais. Pourquoi tu lui parles en anglais? Les portugais, ils parlent tous français, les portugais. C'est nos amis, les portugais. Ils sont juste à côté de chez nous, ils connaissent le français. C'est pas comme les américains qui en ont rien à foutre des français et qui parlent pas un mot de français, par contre. Le SMIC, tu es millionnaire. Ah, j'aimerais bien être millionnaire. Si j'étais millionnaire, j'irais pas bosser. Patron. Ils sont super gentils. Oui, les Portugais sont très, très hospitaliers. Flip, tu comprends le français? Parce que on va pas se faire chier à parler portugais. D'abord, je sais pas parler portugais. Compreendo French. Comment on dit Sharon, toi qui parles portugais? Demande-lui comment en portugais, s'il te plaît, en portugais. Les bains des sièges, c'est très bon pour les fesses. Ah, c'était pas Linda de Souza? Non, c'était Rika Zaraï, les bains des sièges. Ah, Rika Zaraï, ouais. Elle est portugaise, ouais. La femme de ménage. Et elle expliquait que pour les problèmes d'hémorroïdes, des bains des sièges, c'est très bon. Ah bon, ben, il faut que je vous laisse parce que j'ai une vie de famille quand même. Hein. J'ai une vie de famille quand même, merde. Y a pas que d'une botte dans la vie. Hein. Allez, bisous, ciao, et vive le Portugal, le bacalao.